Là je ne suis vraiment qu'un poète sans talent, n'écrivant que des tresses, rimant avec tristesse. J'attends toujours enfin l'inspiration ultime, qui saura me guider vers l'art le plus sublime. Alors que je danse nu pieds sur des galeries, pourvu que se répare cette mécanique. Un chemin se dessine vers l'âme qui me veille, alors que je grimpe.